Votre balade à Mel touche à sa fin. À travers ce parcours, vous avez découvert une ville façonnée par l'exploitation de l'argent, marquée par un patrimoine roman exceptionnel et enrichie par une diversité religieuse qui s'est construite au fil des siècles. De ses mines souterraines à ses églises majestueuses, en passant par ses espaces naturels et son temple protestant, Mel offre un témoignage vivant de l'histoire médiévale et moderne. Nous espérons que cette visite vous aura permis de mieux comprendre l'identité de la ville et d'apprécier son environnement unique. N'hésitez pas à prolonger votre découverte en dégustant les spécialités locales ou en questionnant l'office de tourisme pour en savoir davantage sur notre histoire.